so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'm not in love dans le double expresso RTL de Tu danses bébé. Non, pas avec cette phrase. C'est vrai que ça l'aide, Tu danses bébé. Oh là là, c'est pas possible. Ah, mais tu sais, c'est aussi nul que le alors, heureuse. Oh non. Oh non, non, non. Et ça, c'était après la chanson. Je suis sûre que tu l'as déjà fait. Jamais. T'as cette image-là de moi. Je suis sûre. Alors, que tu sais quoi, fait. Hop, je me donne le micro, tu lances toute seule la musique. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Les Red Hot arrivent. 20 ans. Tu danses bébé, mais pas le alors heureuse. Il y aura la banque RTL là, tout de suite. Ah, tout de suite sur RTL 2. Alors heureuse, ça sera à 65. RTL 2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre de U2. Ce titre de Zen, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. Jacob Banks. Vous l'avez découvert sur RTL 2. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec sa suspension révolutionnaire pilotée par caméra, sa vision de nuit par infrarouge, son système innovant ouvrant la voie à la conduite semi-autonome et son équipement Hi-Fi immersif Focal Electra, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à un essai exclusif 24 heures de DS7 Crossback dans son réseau dédié. Détails sur dsautomobile.fr.

Les Red Hot Chili Peppers, My Friends, sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. C'est une amie de la famille, une amie de la maison, une amie d'RTL 2 du Double Expresso, c'est Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Coucou Olivia. Bonjour Justine. Ça va bien? Ah bah ça va très bien. Alors vous êtes où? Vous êtes à Ébé-Crevon? Comment vous... Ébé-Crevon, oui, ah, c'est oui. Une petite commune dans la Manche, en Normandie. D'accord, je ne connaissais pas. Permettez-moi d'avoir une petite erreur de prononciation. Je ne voulais surtout pas vous offenser, Olivia. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien écoutez, je travaille dans une unité psychiatrique. Ah oui, d'accord. Bah alors, vous avez beaucoup de boulot avec le Double Expresso. Je peux vous dire qu'on a quelques cas ici. Il y a quelques-uns qui méritaient d'avoir les bras attachés, hein, je peux vous dire. Ça va pas, non. Si, on est la team camisole, il faut l'assumer. La team camisole, on en est là. Même, c'est vrai que... Il faut l'assumer. Ah, bah... hein. Et... Non, on est gentil. Ça se fait plus, la camisole. Bah oui, quand oui. même. Je me doute, enfin, bon. Et Olivia, vous aimez les animaux, je vois aussi, j'enchaîne, hein, parce que bon. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez chez vous comme animaux? Alors, j'ai un gros terre-neuve qui s'appelle Elliot, un labrador Fidji, et un petit chien qui s'appelle Capitaine, et trois chats. Ah oui, c'est un élevage, quoi. C'est une petite ménagerie, tout à fait. Eh ben, c'est parfait. Votre zoo et vous, attention au coffre vide. Une minute pour jouer à la banque RTL 2 jusqu'à 10 000 euros. Top chrono. Voici le coffre 1. Le pull moche de Noël de Max. Super. Ah oui, collecteur. Non, elle en veut pas. Coffre 2. Arrêtez, elle en veut pas. 500 euros. Oh. Oh, je sais pas, je passe. On passe les 500 euros? Oui, je passe. Coffre 3. Allez. Wow. Un séjour pour deux personnes dans le domaine des Portes du Soleil. 1180 euros, séjour de 7 jours et 6 nuits au ski. Oh. Au pour ski, deux. Oh là là, ma douée. Je passe. Oh. Vous êtes sûr? 25 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Je passe. Coffre 4. Un iPad. L'iPad, plus de 400 euros. Oh, j'ai trop peur. Je prends, tant pis, je prends. Ah bah, oui, mais... Alors, vous êtes sûr, il reste 10 secondes. Vite, qu'est-ce qu'on fait? Je préférerais les 10 000 euros, vite, mais bon, je suis pas secondes. Sûr. 6 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrête, je prends. Bravo. Oh, vous m'avez fait peur, Olivia. Alors attendez, on me signale dans l'oreillette que c'est la banque la plus hésitante de l'histoire. Ah, c'est dur ce jeu. Ah, ah non, ouais. Mais c'est affreux. Quand on écoute les autres, c'est très facile. Ouais. Hein ouais. Mais quand c'est toi, je vous assure que c'est différent. Il n'y avait même pas le temps d'ouvrir un autre coffre. Là, Jérémy, on était au bout du chrono. Hein. C'est ça. J'attendais le jeu. Prends une seconde, nous dit Jérémy, vous imaginez. Bravo, l'iPad, il est pour vous. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne journée, Olivia. Pour rejouer avec nous, 3228 et. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Oh oh. So. Ombre du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are the ghost of men. We are the ghost of men. Back in old times, back in old times, back in old times. We are the ghost of men. We are the ghost of men. Back in old times, back in old times, back in old times. Dans ton chapeau. Qu'est-ce que tu dis, man? Don't speak my mother tongue. Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Oh,

infos tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Impossible espoir de sortie de crise pour le gouvernement. Les porte-parole des Gilets jaunes annoncent ce matin qu'ils seront reçus demain après-midi par le Premier ministre à Matignon. L'appel à manifester samedi à Paris lui est maintenu. Selon un sondage Elab, 75% des Français approuvent le mouvement et selon une autre étude menée par Odoxa, ils sont même 84%. Les autorités, elles, envisagent de fermer complètement les Champs-Élysées dans deux jours. Elles pourraient prendre un arrêté pour interdire tout rassemblement sur l'avenue. Faut-il interdire la fessée ? Le débat est de nouveau relancé. Une proposition de loi du Modem interdisant tapes, gifles et violences psychologiques à l'encontre des enfants est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'inscrire dans le Code civil. Aucune sanction pénale n'est prévue pour les parents. De nouvelles accusations contre Luc Besson. Le site d'information Mediapart publie le témoignage de 5 femmes. Il s'agit d'anciennes employées de la société de production, du réalisateur, de 2 étudiantes de l'école qu'il a fondée, d'une ex-mannequin. Elles évoquent des gestes déplacés mais aussi des agressions sexuelles. En mai dernier déjà, une comédienne avait déposé plainte contre lui pour viol. À l'étranger, toujours plus de tensions entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien demande à l'OTAN d'envoyer des navires en mer Noire pour l'aider à délivrer les marins emprisonnés par la Russie. De son côté, l'Union européenne se dit extrêmement préoccupée. Le président américain Donald Trump, lui, menace d'annuler son tête-à-tête avec Vladimir Poutine prévu lors du G20. On passe au sport et en football. Le PSG fait un grand pas vers les 8e de finale. Paris l'a emporté 2-1 sur Liverpool lors de l'avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Il est désormais 2e de son groupe derrière Naples. Le prochain match est prévu le 11 décembre face à l'Étoile Rouge de Belgrade. De son côté, Monaco, qui avait déjà été éliminé de la compétition, peut aussi dire adieu à la Ligue Europa après sa défaite 2-0 sur le terrain de l'Atlético Madrid. La Ligue Europa, où 3 clubs français sont en lice ce soir à l'occasion de la 5e journée. Ça s'annonce compliqué pour Rennes et Bordeaux qui affrontent le FK Jablonec et le Slavia Prague. Leurs chances de qualification sont faibles. De son côté, Marseille en déplacement à Francfort est déjà éliminé. La météo dans la matinée, le temps sera pluvieux des pays de la Loire et de la Bretagne aux Hauts-de-France. Sur les côtes de la Manche, le vent sera assez fort avec des rafales attendues jusqu'à 80 km/h. Au cours de la journée, cette perturbation va s'étendre au Poitou-Charentais au centre, puis de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardenne. Sur le reste du pays au sud, d'une ligne Bordeaux-Lyon, il fera beau. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures sont au-dessus des normales de saison. 6 degrés ce matin à Nancy, 7 à Limoges, 9 à Saint-Omer et à Porto Vecchio, 11 à Hendaye et à Saint-Tropez, 12 à Lamballe. Cet après-midi, on attend 12 degrés à Paris, Orléans et Dijon, 13 à Gruissant et 14 à Propriano. Merci beaucoup. Retour des infos dans une demi-heure sur RTL2. Bonjour l'équipe. Bonjour à toi Justine. Et salut Greg. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. C'est le son pas propre d'RTL2. Il y aura Pink, Aléo, Georges, Ezra. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Bon réveil. Come and close the curtains, cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine. And I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. We'll be right back. Grégory Hacher et Save Tonight, il a été notre invité un vendredi matin, du coup... Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. Du coup, l'enchaînement est tout trouvé déjà. Bonjour à vous, bienvenue dans le double expresso RTL 2. Demain, c'est quel jour ? C'est vendredi. Et le vendredi, c'est quoi ? C'est les lives et je suis trop contente. Voilà. Mais voilà. Tu t'énerves. Et j'ai pris des substances ce matin et je parle comme ça. C'est Clara Luciani qui sera avec nous, avec la grenade notamment. Jeune chanteuse qui viendra demain en direct à partir de 8h dans le double expresso RTL 2. On aime beaucoup. C'est l'un de nos coups de cœur vraiment de cette fin d'année. On dit souvent ça quand on est animateur, mais là on le pense tous dans l'équipe. Elle sera avec nous dès 8h en live. Moi je connais déjà la chanson par cœur. Oui. Eh oui. Et je n'ai pas d'autre chose à rajouter. C'est parfait, c'est formidable. L'info expresso, l'horoscope, le winner du jour, la banque RTL 2. C'est le programme. C'est plutôt pas mal tout ça. On est bien. Georges Ezra, Shotgun dans le double expresso RTL 2. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun. Georges Ezra dans le double expresso RTL 2. Tiens, trouver un prénom pour ses enfants, nous sommes d'accord, c'est jamais facile. Jérémy, non. Toi qui es comme moi papa, ça, c'est pas toujours évident, c'est un c'est petit compliqué, débat. C'est compliqué. Voilà, on fait des listes. Bon, et ben surtout quand on veut être original, on va en débattre dans l'info expresso dans 5 minutes. Vous allez voir, il y a des choses très étonnantes. Picaléo ? Par exemple, moi j'ai eu ton papa au téléphone. Oui. Je te donnerai ton vrai prénom dans quelques minutes. Mais vous savez que moi, je vous l'avais Thérèse, raconté. N'oubliez pas, un deuxième prénom. Hein. C'est la sage-femme qui a choisi mon prénom, moi. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est très joli. Elle a bien réussi son coup. Bravo, elle. À tout de suite sur RTL2. Écoutez RTL2, we are called Muse. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Alors, projecteur full LED, caméra de recul, parc assist, 5 ans de garantie. Ça va jamais tenir dans ma haute, tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah, bah alors je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulière pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 000 km maximum. Premier loyer de 2000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur Seat.fr. Oh là là, je sais pas toi, mais avec l'hiver qui arrive, j'ai le moral qui dégringole. Eh bien, fais comme moi. Remonte-toi le moral avec André. Quoi ? André pense à ton budget shopping et baisse ses prix. Regarde. Et hop, des bottes en cuir au top de la tendance à partir de 69 euros. Waouh ! Et hop, des derbies pour mon homme à partir de 59 euros. Yes ! Et des boots pour ma fille Léonie à partir de 39 euros. Cool ! Alors, ce moral ? Au top ! Eh bien, ils nous comprennent chez André. Chez André, la baisse des prix, c'est du plaisir en plus toute l'année. André, 158 magasins dans toute la France. Pour toute la famille. C'est Noëlland chez Toys R Us. Les lutins du Père Noël, ils doivent avoir tellement de travail. Ils auraient peut-être besoin d'un bon plan. Heureusement pour les lutins, dès demain chez Toys R Us, il y a 20 euros en bon d'achat à partir de 100 euros d'achat. Eh oui, 20 euros. Toys R Us. Conditions en magasin et sur toysrus.fr. Noëlland, pays de Noël. Tout au long de la journée, RTL 2, le son pop rock partout en France. Chinoise ondule sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime au glissant or et noir. Tes bas sur tes mollets, de ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre pervenche déjà pliée. Tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. Oh, oh, oh, oh, oh, we're down, we go. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be running you down, down to your core. Yeah, till you can't crawl no more. And where down we go? RTL de 8h20. L'Info Expresso RTL 2. L'Info Expresso, ce matin on parle prénom alors. Bah oui, parce que la grande news c'est qu'il y a des parents à Brive qui veulent appeler leur enfant Griezmann Mbappé. Bon, alors c'est un peu. Ah oui. C'est un peu beaucoup. Alors ouais. Le tribunal a dit non, ils vont passer devant la justice. Du coup, on s'est intéressé à cette histoire-là. J'ai trouvé sur Femme Actuelle, le choix des prénoms, tout n'est pas permis. Alors vous savez, il ne faut pas que ce soit un prénom ridicule. C'est la limite. Évidemment, faut pas gêner l'enfant. Donc des Nutella, des Joyeux, des Titeuf, des Fraises ont été refusés par l'État civil. Ouais, c'est assez logique, on a le droit à quelques exceptions, mais pas trop. On peut changer de prénom. Sachez qu'en France, il y a 3000 personnes chaque année qui entament cette démarche. Voilà, imagine monsieur Alain Bon, un fils, il appelle Jean, ça marche pas. Ah, oui. Le même Javel entre une fille, oh, d'autres Javel, ça marche pas. Et ce genre de choses. Là, il faut faire extrêmement attention. Il faut penser quand même à la scolarité, parce que les enfants, entre eux, dans la cour d'école, souvenez-vous, sont quand même très cruels. Donc, et puis voilà. On a 9 mois pour réfléchir, donc on peut quand même faire l'association nom-prénom. Ah, mais t'as des gens qui se trompent après une année, 12 ans, 20 ans de réflexion. Alors, pour 9 mois, tu peux te tromper quand même. Non, puis il y a des sonorités qui passent pas. Mais il y a des choix improbables. Il y a un livre qui a recensé les prénoms les plus surprenants glanés dans les mairies. Alors, il y a Horty. Winner, alors lui pour être dans le double expresso, c'est le winner du jour, il est là. Blocus, à quel moment tu te dis parce qu'ils se sont rencontrés sur un blocus. Bah alors, en ce moment, en pleine période gilet jaune, j'ai appelé mon fils Blocus. Oh là là. Lola Poupoun. Oh. Et alors, Euthanasia. Ça va très très loin. Alors, excusez-nous les parents, hein. Oui, on vous juge un peu, là, je dois le dire. Ou Halloween, A-2-L-O-W-I-N, pour pas faire comme la fête, il se fait Halloween. Non, ça c'est pas. N'empêche que le mec qui va s'appeler Justine, qui va. Oh, oh. Eh ben il aura un prénom de fille. Eh ben c'est totalement foiré, hein. Alors on enchaîne, c'est quoi la musique d'après, du coup? On y va. Pink sur RTL2, après c'est Faille Majeure de Jonathan. Running like a dog, fighting like a bitch too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me, cause I want it all. No, I know you see that we gotta talk. Now you know we must believe or fall apart. But it's always darkest before. for me. Ships going down tonight, but it's always darkest before the light, and that's enough. Pink, qui veut dire rose, hein, je traduis. Whatever you want dans le double expresso RTL de Wild, vous savez, c'est pour le plaisir, quoi. On y va pour cet horoscope, médaille de bronze, Justine, les Sagittaires. Vous êtes un peu dans la lune, concentrez-vous. Les Béliers. Il faut vous endurcir et vous faire entendre. Les Verseaux. Vous n'êtes pas très chanceux en ce moment. Les médailles d'argent avec les Gémeaux. Votre joli sourire vous fait rayonner. Les Taureaux. Vos proches vous couvriront de compliments aujourd'hui. Cancer. Vous êtes soucieux du détail et c'est un très bon point. Les Lions. Ce matin, vous vous êtes levé du bon pied et ça se ressent. Les Vierges. Voilà une journée parfaite pour se faire plaisir. Les Balances. Tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes unique. Les Scorpions. Les Scorpions, vos idées bouillonnent. Profitez-en pour entamer de nouveaux projets. Les Capricornes. L'énergie que vous avez naturellement en rend jaloux plus d'un. Et la médaille d'or, elle est pour... Pour les Poissons, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment dans votre vie. Les jours à venir n'en seront que meilleurs. Vous serez un peu au paradis alors. Oh, il est fort. Professionnel depuis 20 ans, monsieur. Ah ouais, on va vite enchaîner parce que là, elle chante Gérald de Palmas au paradis. Il y aura la banque RTL de 8h45. Et puis le winner du jour aussi. À tout de suite. Merci d'être là. Excuse-nous, hein, juste. Au paradis. Ok. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Loran et RLP en live. Écoutez. RTL 2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL de Pop Rock Party. Montez le son. Avec les couettes et les oreillers Colas Normand, fabriqués en Normandie, c'est tous les jours dimanche. Une récupération optimale, avec ou sans réveil matin. Alors vous aussi, soyez conquérants. Avec les couettes et oreillers Colas Normand, par tous les temps, chaque matin, partez gagnant. Il est bientôt 8h30 sur RTL2. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement 2 palettes et 1 tonne de marchandises. Et on finit comment? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux 0 sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, si acceptation par Opel Bank. Conditions sur opel.fr. Voilà. C'est Noël dans les pubs brasseries au bureau. Rendez-vous du 1er au 24 décembre dans votre pub au bureau pour tenter de gagner chaque jour des cadeaux. Plus de 50 000 lots à gagner. Et participez au grand tirage au sort pour remporter le voyage de vos rêves d'une valeur de 20 000 euros. Vivez un Noël extraordinaire au bureau. Jeux sans obligation d'achat dans les hauts bureaux participants, voire conditions sur aubureau.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exceptionnel chez Maxi Toys, ce sont les Maxi Days tout le week-end. Profitez de moins 15% sur tous vos jouets, même sur les promos. Faites passer le message au lutin du Père Noël. Moins 15% valable dès 50 euros d'achat du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Voir conditions dans l'un de vos 130 magasins Maxi Toys ou sur maxitoys.fr. Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de mode et plus d'idées cadeaux. Par contre, Jules fait les choses à moitié prix. Le deuxième suite polo, t-shirt, pull ou chemise est à moins 50%. Vous avez donc deux fois plus de raisons d'aller chez Jules. Chez Jules, les fêtes, c'est dans la boîte. Voir conditions en magasin et sur jules.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouets. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hotte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables, soit 15 euros à valoir au rayon jouets. Réservé aux porteurs de la carte Wahoo, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Quand les experts Peugeot entretiennent votre véhicule, ils entretiennent aussi votre sérénité. Partez tranquille en vacances ou en week-end. Ils interviendront en cas d'imprévu pour vous aider à rejoindre votre destination. En leur confiant votre révision, vous bénéficiez gratuitement du service Peugeot Assistance Panne et Accident. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. La révision est à partir de 99 euros pour les véhicules de 4 ans et plus. Voir conditions en ligne. Expresso RTL de 8h30 avant Aix-Ambassadors et De Palmas. Vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Que des stars. Vers une reprise du dialogue avec les Gilets jaunes. Des porte-paroles du mouvement seront reçues demain après-midi à Matignon par Édouard Philippe, le Premier ministre qui entame deux jours de discussion pour tenter de trouver une sortie de crise. Aujourd'hui, il reçoit des élus locaux, le patronat et les associations de la société civile. Demain, ce sera au tour des syndicats. L'appel à manifester samedi sur les Champs-Élysées à Paris, lui, est maintenu. Jean-Luc Mélenchon annonce ce matin qu'il sera présent dans le cortège. Le ministre du Logement à Marseille, une visite autour de l'habitat indigne plus de trois semaines après la mort de huit personnes dans l'effondrement de leur immeuble. Hier, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a proposé un plan de 600 millions d'euros pour lutter contre l'insalubrité. Il serait financé par l'État et par les collectivités territoriales. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Alexia Daval. Son mari, Jonathan, soupçonné du meurtre de la jeune femme, est de retour devant le juge en charge du dossier aujourd'hui à Besançon. Hier, on a appris que trois substances médicamenteuses avaient été retrouvées dans le corps de son épouse. Un somnifère, un décontractant musculaire et un antalgique pris de façon répétée. Ses proches pensent qu'elle a été droguée à son insu. Gérard Depardieu, entendu par la police. Le comédien a été interrogé dans le cadre d'une audition libre. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle par une jeune actrice. Les faits se seraient déroulés en août dernier dans son hôtel particulier parisien. L'espérance de vie continue de baisser aux États-Unis. 76 ans pour les hommes l'an dernier, 81 ans pour les femmes. C'est 3 mois et demi de moins qu'en 2014. Une dégradation historique due principalement à une crise d'overdose de drogue dans le pays. C'est la première fois que l'on voit une tendance à la baisse depuis la grande épidémie de grippe il y a 100 ans. On passe au sport. En football, le PSG peut souffler. Paris l'a emporté 2-1 sur Liverpool hier lors de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Il est désormais deuxième de son groupe. De son côté, Monaco, qui avait déjà été éliminé de la compétition, a été battu 2-0 par l'Atlético Madrid. Ce soir, place à la Ligue Europa, Marseille joue à Francfort, Bordeaux reçoit le Slavia Prague et Rennes se déplace sur la pelouse du FK Jablonec. La météo, dans la matinée, le temps sera pluvieux des pays de la Loire et de la Bretagne aux Hauts-de-France. Sur les côtes de la Manche, le vent sera encore assez fort avec des rafales attendues jusqu'à 80 km/h. Au cours de la journée, cette perturbation va s'étendre au Poitou-Charentes, au centre, puis de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardenne. Sur le reste du pays, en revanche, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, il fera beau. Le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont douces. 5 degrés ce matin à Strasbourg, 7 à Ghisonaccia, 9 à Lèche-Cap-Ferret, 10 à Paris et au Havre, 11 à Juan-les-Pins, 12 à Saint-Brieuc. Cet après-midi, on attend 10 degrés au Puy-en-Velay, 11 à Maubeuge, 12 à Tours, 15 à Ajaccio et 16 à Toulouse. 8h33, merci à vous pour tous vos messages sur la page Facebook de l'émission. Et on va saluer Olivier et Déborah qui sont en voiture en ce moment, qui nous écoutent. Ah bah des bisous. Bah voilà. Gérald De Palmas au paradis dans le double expresso RTL 2 avant le winner du jour. Bon début de journée, merci d'être là. Comment peux-tu vivre avec ce type? Comment fais-tu pour écouter le morceau de bêtises qu'il en débite? juste le premier. Mais honnêtement, rien ne justifie le calvaire que tu dois endurer. Tu as gagné ta place au paradis. Et si un ange passe par avec lui, tu as gagné ta place au paradis, au paradis. Un jour ou l'autre, il faudra que tu partes. Dans le double expresso RTL2, c'était au paradis, 8h36. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Oh, il y a le winner, mais en vrai, il faut qu'on vous raconte ce qui se passe dans le studio. On alors, est des enfants. On a le ballon d'or France Football qui est dans le studio. Là, si vous êtes sur RTL2.fr, vous le voyez en ce moment, il est là, le vrai. Il est beau, hein. Et on a tous posé avec le ballon d'or. Oui, pas on va tous encore. Presque. Ouais, bah non, pas moi. Ah non, c'est pas normal. Oui. C'est pas non, tu vas le faire. Il est lourd, tu le casses pas. Hein. Mais non, mais tu le jures. Je vous ai regardé avec tendresse parce que vous êtes des enfants de 8 ans devant. C'est mignon, hein. Tu me promets très mignon. Tu me promets que tu fais attention à pas casser le ballon d'or, le vrai ballon d'or. Bah, c'est tu connais ma maladresse. Ouais. Lundi soir sur la chaîne L'Équipe que vous retrouverez le palmarès pour une soirée exceptionnelle. Je vous ferai un petit point régulier, tiens. Oh la classe. On pourra s'amuser. Ce sera sur la chaîne. Hop là, ça c'est fait. Alors le winner du jour, il est étonnant. Vous connaissez, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Oui. Bon, bah j'ai trouvé pire. C'est un pilote qui volait entre Devonport à King Island en Tasmanie. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a loupé l'aéroport parce qu'il s'est endormi. Ah oui, carrément. Il s'est réveillé 48 km plus tard. Mais non. Mais normalement, il y a plusieurs personnes. Et quand même. Là, il était seul, 240 km. Alors évidemment, ça a fait l'objet d'une enquête. Le bureau australien de la sécurité des transports a estimé, tu m'étonnes, que l'incident était grave. Et c'était son 7e vol de la journée. Et ben, je t'ai peur, il n'avait pas assez dormi, il s'est endormi, il a loupé l'aéroport. C'est pas une excuse, hein. Non, mais t'imagines, un train peut louper sa gare, il passe. On a déjà raconté ce genre d'histoire. Mais là, un avion qui loupe l'aéroport. Ah, c'est comme moi, une fois, j'ai loupé la sortie de l'autoroute. Tu vois. Presque pareil. C'est ballot, ça. Bah, c'est les mêmes histoires, ça. Retrouvez Jonathan O'Donnell au théâtre Beau-Saint-Martin tous les dimanches. Palpitante. À 18h30 si vous êtes à Paris. Il y a le ballon d'or dans le studio quand même. Donc je vais vous dire, mon winner du jour. Ça, tu t'en fiches tellement. Et je vais retourner faire une photo avec le ballon d'or. On va écouter X Ambassadors aussi, Renegade sur RTL2. Run away.

something human, human. h 46, c'est le double expresso RTL de 8h55, le top 3 de Jonathan. Bah oui, je suis là, je vais vous emmener à Quimper, je vous fais rêver. Ah ouais. Oui, et on salue évidemment tous les habitants de Quimper qu'on embrasse. J'adore la Bretagne. Ah oui, c'est très beau. Hop là, voici Police avant la banque RTL 2. Every Breath You Take sur RTL de 8h49. C'est l'heure de la banque RTL 2. C'est Delphine qui est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Coucou Delphine. Comment ça va? Bah écoutez, ça va très bien. Bon, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes à Fuveau, c'est pas très loin d'Aix-en-Provence, on peut dire ça? Oui, c'est ça, c'est dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin d'Aix-en-Provence. Bon, c'est parfait. Je vois que vous avez deux enfants, dont un petit bébé. Quel âge il a le bébé? Ben, elle a 4 mois. Ah ouais, oh, tout petit. Oh, la jeune maman. Oui. Elle est... Et donc comment vous... il s'appelle? Alors, la petite fille s'appelle Lily Marie, elle a 4 mois. Et Antoine a 5 ans. Et voilà. On leur fait un bisou, Lily Marie et Antoine. Bravo, ah, le choix du roi. Donc, vous vous levez la nuit, là, j'imagine, évidemment, en ce moment, on est en plein dedans, là. Hein. Bah, oui. Alors, pas du tout. Je suis désolée, mais ma fille fait ses nuits depuis qu'elle a 9 jours. Oh là là. Attendez. Le bébé idéal. Oui. Stop, attendez, oui, excusez-moi. Pardon. Oui. Non, c'est, je ne peux pas l'entendre. C'est intolérable d'avoir autant de chance. Alors, on a deux papas dans le studio. Ils sont tous les deux avec des yeux grands. Mais ça n'arrive jamais normalement, ça. Mais là, et moi, ils ont attendu 2 ans. 9 jours. Depuis 9 jours, elle fait ses nuits. Donc, on a énormément de chance. Attendez qu'elle ait 12 ans. Vous allez voir. Il y a une grosse crise d'adolescence. Le gars qui se venge. Vous allez voir. Être pré-adolescente. Hein, il n'y a pas de raison qu'il y ait du bonheur comme ça chez les autres. Bon, je vois que vous aimez le tennis aussi. C'est parfait. Attention, la banque, c'est parti. Top chrono, 1 minute. Coffre 1 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Une console Nintendo Switch. Allez, en famille, 309 euros. Alors, je l'ai déjà, donc je passe. Bébé parfait, console Switch, pardon madame. Coffre 2. Un bouquet de fleurs. Oh, toujours sympa. Oui, c'est j'ai très déjà. Sympa, mais... Pardon madame, coffre 3. Un lecteur DVD. Bon, bah, je vous refais le même sketch. Oui, je vais passer. Voilà, voilà, coffre 4. Une raquette de tennis Wilson Ultra. Vous aimez le tennis? J'adore le tennis. Mon mais j'ai déjà. Bon, bah, très bien. Mais j'ai un petit peu, ouais, désolé. Coffre 5. Je vais passer. Un séjour au ski sur le domaine des Portes du Soleil. Ah. 1180 euros pour deux. En amoureux, le ski. Ah, pour deux. Pour 10 deux, secondes. Allez, 8. Je passe. Coffre suivant. Normal. Non, c'est pas normal. Bah non. Non, c'est pas normal. Il aurait pu y avoir plein de belles choses. Et ça vous fait rire, Delphine. Moi, j'aime bien la bonne humeur. C'est normal parce que j'ai été un petit peu trop gourmande. Mais voilà, non, mais c'est tout. Comme elle dort, Lily Marie, on pouvait la laisser chez papy, mamie. C'était pas un problème. Vous alliez au ski avec votre mari. Puis, bah, Antoine, oh, je sais pas, il serait venu au Double Expresso. On l'aurait gardé, Justine. Voilà, elle oui, aurait été super chez nounou, Juju. Hein. Vous voyez, ça aurait été très bien. Bon, écoutez, Delphine. Bon, bah, écoutez, en tout cas, grave. Je suis ravie de vous avoir eu parce mais que ça fait un petit moment. Voilà. Bah, merci d'avoir joué avec nous. On vous embrasse. Plein de belles choses pour vous et la petite famille, évidemment. On vous offre le mug du Double Expresso RTL2 et également un DVD familial. De oui, l'envol de Chloé. Voilà, c'est pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Delphine? Un Double Expresso. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. Friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. Hey, yeah, hey, yeah. But ain't nobody need you like I do. Hey, yeah, hey, yeah. I know that there's others that deserve you. Hey, yeah, hey, yeah. But my darling, I am still in love with you. But I guess you look. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran, Happier sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Il a été quelques secondes dans sa vie Ballon d'Or, puisque le Ballon d'Or France Football était venu ce matin nous rendre visite. Vous avez tout ça sur RTL2.fr, sur nos stories, sur les réseaux sociaux. Vous avez les photos, les vidéos. C'est un ballon en or. Et voilà. Et c'est... Non, mais c'est plus que ça. Non, mais en vrai, je vous taquine. Je trouve ça hyper mignon, hyper touchant, votre réaction. Il on dirait des enfants de 8 ans. Il l'a eu dans les mains, Jonathan Delay. Et je crois que c'était mérité. Bon, pour démarrer, je vous emmène à Quimper. Allez. D'accord, à l'occasion de l'opération Movember. Les professionnels de l'hôpital ont laissé pousser leurs moustaches. Vous connaissez ce truc? Oui, bien sûr. Et donc ça devait faire bizarre quand tu croisais les infirmières dans les couloirs, mais bon, c'est après. Pas pratique. Bon. Vous pouvez l'insulter, hein, jonathan.odonnel@rtl2.fr. Exactement. Et les mails de déclaration, j'aime bien aussi. Allez.